La nouveauté à la maison du cinéma de Sherbrooke cette semaine. Sexy et en cavale, Dan Fletcher, en français et en anglais. Ce que je vais vous dire ne doit pas sortir de cette pièce. Savez-vous qui est Vicente Cortés? Oui, c'est un des plus hauts gradés du cartel, connu sous le nom de la Banque de Bogota. L'escroc au cœur tendre, le prêteur sur gage, le blanchisseur d'argent, El Chopo, la côte de porc, El Bastardo. Ok. Demain matin, vous escorterez notre témoin jusqu'à Dallas pour qu'elle témoigne contre Cortés. Madame Riva, nous devons y aller. Non, mais tu t'es vue, t'es toute menue, t'es comme les petits chiens que je portais dans mon sac. Mais Cortés a déjà tué tous les témoins que nous avions. Vous êtes en danger, madame. Madame, tout va bien aller. Qu'est-ce que vous faites de mon mari? Tout, à part votre mari, madame, va bien aller. Vous n'êtes pas obligé de m'apprécier, mais je suis votre seule chance de rester en vie. Qu'est-ce que c'est que cette poudre blanche? De la poudre à pâte. J'appelle la police. Non, c'est moi la foutue police. Regardez, c'est bon, vous pouvez partir. Mais j'ai détruit votre voiture. J'ai dit, vous pouvez partir! Cet accident m'a mise à fleur de peau. On nous a piégés, tirés dessus et traqués. L'agent Cooper mesure environ 4 pieds 11. Oh, sérieusement? La deuxième suspecte, une femme hispanique de 45 ans. On doit se faire oublier pendant quelques heures. Tu peux faire quelque chose pour nous? Ton sourire me plaît. Tu ne sais absolument rien de moi. J'ai vu tes sous-vêtements. J'aime être bien couverte. C'est pas un sous-vêtement, c'est une couche culotte. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. Elles ont essayé de me séduire avec leur truc de lesbienne. Je suis son amoureuse. Ouh là là! Mais comme je suis chrétien, ça n'a pas du tout marché sur moi. Un pénis! Oh mon Dieu! Un pénis! Je vais mettre... L'agent Cooper mesure 4 pieds 9. Je mesure 5 pieds 2. Et est accompagné d'une suspecte de 50 ans. Trinquante! Trouvez-les-moi. Faut qu'on sorte de cette voiture au plus vite, sinon on est morte. Je vous jure. Madame Riva a une petite urgence liée à un problème féminin. Elle peut pas se retenir? Non, en fait, une fois par mois, mon utérus se vide de son tissu pour que les œufs descendent dans les sacs. Oh mon Dieu! Espero ahora verte entre rejas. Tu parles espagnol? Cállate tu boca. Gringa chiquitica. Tu boca muy gorda. Simplona. L'or du golf, Diane Jacquet, en français. En 2004, des foreurs sont arrivés sur le terrain de mon voisin, en avant de chez nous, à la recherche de pétrole. Avec plein de promesses, d'emplois, de richesses. Et ça a créé la discorde entre nous autres. Fait qu'on est prêt à forer? Depuis les années 2000, les techniques se sont améliorées et les compagnies ont grand espoir de trouver du pétrole rentable. La Gaspésie, c'est vert en dedans puis bleu en dehors. Il y a des rivières, des ruisseaux partout. Nous, on se questionne quand même sur comment ils arrivent dans une région. Si les gens sont inconfortables dans 6 semaines, on va trouver une solution. On leur paiera un voyage en Floride. S'ils trouvent du pétrole, là, ça va être c'est le fini. Point de non-retour. C'est fini. C'est fini. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier le golf? Les pétrolières, c'est toujours... j'ai tout le temps dit... On va toujours faire un peu de prostitution, légale. Mais s'il arrive une catastrophe dans le golfe Saint-Laurent, c'est tous les pêcheurs de toute Acabie qui vont être interpellés là-dedans dans ce dossier-là. Qui est-ce qui va payer la facture? C'est encore le contribuable. We need to get in there and stop this now and protect what we have. On dit non au charbon, on dit non au nucléaire. Il faut, à un moment donné, essayer de savoir à quoi on peut dire oui. There will be water that will be contaminating the surface, or oil spills, or pipeline breaks. Money changes everything. And when there's this much money, you're going to have winners and losers. On concentre énormément de richesse entre les mains d'un petit groupe d'investisseurs qui, eux, seront pas là dans 50 ans ou dans 200 ans. Le peu qu'on connaît des impacts, c'est que s'il arrive quelque chose, ça va aller mal, puis ça va aller mal longtemps. Puis c'est ça qui inquiète le monde. Le golfe du Saint-Laurent est au cœur de notre histoire et de notre culture. Sommes-nous prêts à sacrifier notre golfe pour les promesses de l'or noir? La famille Bélier, d'Éric Lartigot, en français. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre deux tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça, ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. La mycose de ta mère s'est étendue. Est-ce que ton père aimait la crème que je lui ai prescrite? Moi, non. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons. Tu vas voir. Oh, oh, oh, oh! Allez, fais un effort. Bah, viens, on échange de famille. Oh, arrête, maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé de boutonner, hein? T'arrêtes un peu avec ton parigo. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché? Faut réfléchir à une autre solution. Tu sais ce que ça représente? Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûre que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça m'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste. Mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole. Le plancher des vaches, d'Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proucloutier, en français. Génial, ça passion, c'est chaud. Moi, c'est la vache. Moi, tous les jeunes que je connais qui ont une ferme, ben, ils n'aiment pas ça. Fait que j'ai juste le goût de leur arracher la tête. Ah, oh, c'est un homme rouge, ça? Ah, il est beau, un chien. Ah ouais, c'est fou. Vous êtes les héritiers d'une longue tradition qui s'appelle le compagnonnage. La transmission des savoirs et des identités par le métier. Là, ici, Pascal, je t'ai amené le livre Mener pour gagner. Oh, je suis là. Normal, tête de pioche? Ah oui, tu vas me dire oui. Oh, oh. That's me. Yo, yassi. Pas le matin qui décide d'aller bûcher, s'il m'appelle, puis je suis pas prêt, me laisse drette là. Ça, c'est comme quelqu'un qui est rendu sa ligne de départ, puis tu pars pas. Aussi à la Maison du cinéma cette semaine, Avengers, l'ère d'Ultron, de Joss Whedon, en français et en anglais. Le promeneur d'oiseaux, de Philippe Huy, en français. La Nouveau Sauvage, de Damien Sizifron, en espagnol avec sous-titres français. Le sel de la terre, de Juliano Ribeiro Salgado et Wim Wenders, en français. La French, de Cédric Jiménez, en français. Éternelle Adaline, de Little Anne Krieger, en français et en anglais. Aurélie La Flamme, Les Pieds sur Terre, de Nicolas Monette, en français. La Dame en Or, de Simon Curtis, en français. Le Plus Beau des Chemins, de George Tillman Jr., en français. Dangereux 7, de James Wan, en français. La Passion d'Augustine, de Léa Poul, en français.